tristesse d'un mec de Tess. Raconte ouais, ouais. Ce que je vois au jour le jour. Je pourrais écrire un conte, la cité on en fait vite le tour. La tristesse d'un mec de Thèse, tu veux que je te la résume? Les embrouilles avec les cresses, on les accumule. On a grandi avec la rage, c'est notre façon d'être. Ça se voit à nos visages, on est comme ça, il faut l'admettre. Mes paroles sont sincères, une vie folle dans la galère. Des larmes coulent sur mes verres, on clamera à la terre mère. Écoute mon pote, bientôt faudra se tirer. La France devient trop haute, dans les ghettos ça fait que tirer. La vie c'est pas un film, il faut le réaliser. Un crime se paie, le jour du jugement dernier. L'univers de mon secteur, tu veux que je te le récite? Trop de soi-disant dealers, des menteurs et des hypocrites. Le haram nous envahit, faut se repentir. Sinon les flammes pas le paradis, c'est juste ce que je voulais dire. Pour nos frères enfermés, qu'ils incarcèrent. Entre mitard et parloir. Pour nos mères comprimées, mes rimes sont sincères. Pour les darons qui en ont marre. Pour nos frères enfermés, qu'ils incarcèrent. Entre mitard et parloir. Pour nos mères comprimées, mes rimes sont sincères. Pour les darons qui en ont marre. Rien que j'écris et je fais pleurer mon stylo, t'as compris l'inspi mec, j'en ai en kilo. La tristesse d'un mec de Thès, c'est le thème que je viens aborder. Trop de choses qui me arrivent, ma haine risque de déborder. On ricane pas, et ça résonne dans tes oreilles. Dans la vie comme en bécale, on cartonne, fait des soleils. On vit dans l'ombre, un vice très sombre. Dans l'illicite on tombe, trop vite s'argent la tombe. Mec y'a trop d'histoire, tu veux que je te parle de ce mec qui vit entre promenade et parloir, attaché à des gourmettes, j'en ai marre de voir toutes ces rums en pleurs. Leur fils est au star, le juge leur a brisé le cœur. Les peines de condamnation sont fermes, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ta peine d'incarcération, mec, ils te l'ont mise. Le juge te met ta peine et s'en fout, rapport ou baveux. Il refuse tout accord, c'est sûr, tu vas en baver. Pour nos frères enfermés, qu'ils incarcèrent. Entre mitard et parloir. Pour nos mères comprimées, mes rimes sont sincères. Pour les darons qui en ont marre. Pour nos frères enfermés. Je vois que des sales choses, je crois pas ceux qui disent qu'ils voient la vie en rose. Quand je vois le passé et ce qui se passe à présent, je vois qu'on en a passé plus de mauvais que de bons moments. En route vers le futur, qu'est-ce que nous réserve l'avenir? Ça devient de plus en plus dur, c'est la hasse, on va pas se mentir. Chroma, pour ceux qui prennent perpétuo hez, mon pote dans le coma. On pense toujours à toi, Kebs, je suis là et je rappe pour les familles nombreuses dans le même cas que moi et qui rêvent d'une vie heureuse en HLM. Depuis mes premières sections, c'est vrai que j'avais la haine. Tous mes copains vivaient le pavillon. J'rappe pour toutes les mères au foyer, toutes celles qui ont du mal, qui se démerdent pour payer le loyer malgré ce revenu minimal. Le RMI et la bourse, ça suffit pas. Les familles qui souffrent, l'État ne s'en occupe pas. Pour nos frères enfermés, qu'ils incarcèrent. Entre mitard et parloir. Pour nos mères comprimées, mes rimes sont sincères. Pour les darons.